Merci de l'invitation, de l'introduction, mais surtout de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous quelques réflexions sur la culture numérique. Je voudrais, avant d'entrer dans un petit peu le sujet de mon intervention, dire quelques mots d'introduction. Tout d'abord, au sujet du titre. Le titre a été proposé par les organisateurs et je l'ai retenu. Mais si j'avais le choix, et je le dis comme ça un peu pour plaisanter, mais pas entièrement, j'aurais utilisé un autre titre qui est emprunté à André Breton en 1924, qui s'intitule, qui aurait été Introduction au discours sur le peu de réalité. Je vais y revenir juste à la fin de ma conférence pour peut-être un petit peu donner une idée pourquoi ce peu de réalité vis-à-vis ce qu'on est en train de vivre, de témoigner avec l'évolution des technologies numériques. Je vais essayer de trouver. Deuxième remarque, il me semble, pour parler de ce qui est actuel et surtout de ce qui peut-être va venir, il est peut-être important de regarder un petit peu en arrière. C'est un petit peu ça ce que je voudrais vous proposer dans les premières minutes de mon intervention. Parce que, et à mon avis, on est en train de vivre surtout dans le cadre des sciences humaines, sciences sociales, mais surtout en sciences humaines, une véritable fracture numérique qui surgit à cause du décalage entre le découpage des disciplines qui est hérité du 19e siècle et associé à ce découpage des disciplines, on avait des objets qui sont devenus autonomes, riches et complexes. Et ce découpage à la fois institutionnel et méthodologique est fragilisé par la culture et les pratiques numériques actuelles. Et du coup, on est en train de vivre une certaine fracture tout à fait importante qui joue un rôle dans les politiques institutionnelles. Et je voudrais parler de ces politiques, surtout dans le cadre américain et un petit peu anglais, pour vous donner un petit peu une perspective un peu différente des enjeux de cette fracture numérique. Et dernière remarque, c'est le mot même le titre, si vous voulez, de Digital Humanities. Je vous rappelle que c'est une évolution et que le prédécesseur, en tout cas dans le monde américain universitaire, c'était Humanities Computing. Mais il faut retenir le mot computing qui a disparu, qui a été remplacé actuellement par digital, par le digital. Et moi, je dirais, et on aura le temps peut-être, si on a le temps de discuter, que Google Books, par exemple, est l'héritier direct des Humanities Computing, mais non pas du tout de Digital Humanities dans le sens que nous, on le comprend comme pratiquant, membre des sciences humaines et sociales. Mais on a vu une évolution importante. On a commencé avec Humanities Computing, qui était consacré en gros à des études linguistiques, statistiques, des corpus de textes d'auteurs. Je simplifie, mais en gros, c'était ça l'intérêt. On a évolué à quelque chose qui s'appelait scholarly publishing, d'où toutes les questions, tous les problèmes de l'édition. Je vais y revenir. Puis maintenant, on est arrivé à scholarly communication. C'est le terme exclusivement retenu par le Mellon Foundation aux États-Unis. Et la Mellon Foundation est très importante parce que c'est une fondation privée qui finance à l'échelle de 400 millions de dollars par an des projets de recherche exclusivement en sciences sociales et sciences humaines. Et alors, on voit le poids. Et évidemment, on est passé à autre chose. Je voudrais juste dire deux mots sur le cadre institutionnel avant de passer aux technologies. J'ai retenu les termes anglais. Aux États-Unis, l'une des crises de cette fracture que je viens d'évoquer numérique, occasionnée par le numérique, est liée à la titularisation des enseignants en sciences humaines. Je vous rappelle le système très rapidement. Vous êtes engagé après votre doctorat, vous avez préparé une thèse, vous avez d'habitude entre 4 et 6 ans en fonction de l'université, votre université, de la transformer ou d'écrire un livre. Le principe a été toujours que c'était les presses universitaires qui publient ces livres, ces monographies. Et la promotion et la titularisation est en fonction de la publication, qui est devenue plus tard publish ou perish. Et si vous êtes dans certaines universités, il vous faut 2 livres, dans d'autres, 1 livre suffit. Alors, il se trouve qu'avec le numérique, et les raisons sont complexes et parfois très politiques, les presses universitaires refusent de publier les monographes des jeunes enseignants. Et du coup, tout le système qui reposait sur cet échange, cet équilibrage qui existe entre presse universitaire, édition savante et titularisation des jeunes est cassée. En même temps, et c'est là où on voit le poids énorme de cette fracture, les institutions refusent d'accepter et de valider les publications en ligne pour la promotion et la titularisation. Et du coup, on est devant un problème énorme qui pose et sur les budgets et sur le futur des institutions. Au Royaume-Uni, en Angleterre, il y a un tout autre système qui s'appelle ARE, Academic Research Exercises. Ça a lieu tous les 4 ans. Il y a un comité national qui est formé pour chaque discipline, qui visite la majorité des départements dans tout le pays et qui évalue chaque institution en lui donnant une note. Et c'est en fonction de cette note que le budget de chaque département est attribué. Et du coup, la publication devient essentielle et il y a un autre blocage. Et effectivement, dans ce cadre-là, mais ça je ne vais pas entrer, c'est pas mon sujet, on a toute la problématique du peer review qui a été mise en question déjà par les scientifiques, mais qui reste en tout cas dans le monde anglophone comme essentiel pour la titularisation, et tous les problèmes posés par le open access et la publication en ligne. D'accord. Mais aussi, je voudrais continuer pendant quelques instants sur cette facture numérique. Il me semble aussi qu'elle est liée à une convergence à la fin du XVIIIe, mais surtout qui s'est solidifiée au XIXe siècle, entre la culture de l'imprimé et la culture institutionnelle des disciplines des sciences humaines et sciences sociales. D'où, en grande partie, nos difficultés, en tout cas pour certains, avec le présent du numérique. En même temps, l'histoire des institutions, de leurs objets, comment ils les définissent, c'est de la même façon. Finalement, un seul mot sur les objets. Il me semble que l'une des grandes nouveautés du monde numérique, c'est l'objet numérique lui-même. Et on a tendance à le confondre avec les objets, surtout du monde imprimé. On a déjà vu assez depuis ce matin que l'objet numérique n'a presque rien à voir, sauf dans l'apparence, avec le texte imprimé, le livre. Il faut retenir certaines caractéristiques de l'objet numérique et je vais y revenir. Deux derniers mots comme ça de généralité avant de passer aux technologies. Pour moi, en tout cas, je parle du numérique comme une culture dans le sens suivant. C'est une culture qui offre de nouveaux regards et nous introduit à de nouvelles perspectives grâce aux objets qu'elle rend possible. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a de nouveaux critères et de nouveaux repères qui, il me semble, ne doivent pas être exclusivement ceux de l'imprimé et de ses héritages. Il faut essayer d'imaginer quelque chose d'hybride pour l'instant pour pouvoir négocier le passage, mais aussi la préservation, l'archivage et tout le patrimoine qui nous reste de la culture de l'imprimé. Maintenant, on va commencer un petit peu à parler des technologies. Je vais aller très très rapidement pour mentionner les choses qui sont peut-être les plus intéressantes. La première chose, j'ai divisé en gros comme ça, schéma, les travaux en sciences humaines, en numérique. Il y a travaux d'infrastructure. On a vu ce matin avec Yannick que c'est tout à fait important. Alors là, il faut penser à l'accès, à la sécurité, à la pérennité des archives. Il y a aussi le développement, mais c'est relativement récent, on va en voir quelques exemples, des plateformes, et il y a tout le problème de l'interopérabilité. Et puis après, il y a le problème, et c'est peut-être le plus intéressant, en tout cas en partie pour moi, les rapports entre les formes et les formats, et leur portabilité. Je vais revenir. Et finalement, je vais dire juste un mot sur le titre sur lequel je travaille depuis un certain temps. On parle beaucoup de Digital Humanities. Moi, je voudrais parler en compte d'un humanisme numérique. Non pas d'un humanisme numérique qui soit l'éthique, parce que parfois cette appellation renvoie à une certaine prise de position éthique, ni à quelque chose qui est purement historique et nostalgique, mais plutôt d'essayer d'avoir une réflexion épistémologique sur l'historique, la dynamique historique, entre nos pratiques et les objets émergents. Et c'est-à-dire, pour dire les choses différemment, c'est d'essayer de développer des méthodologies qui sont liées à la nature des objets et non pas exclusivement héritées des disciplines elles-mêmes dans cette façon-là. Et dans ce cas-là, il faut regarder de près la matérialité des nouveaux objets, et c'est une matérialité plurielle en mutation, leur transmission dans les nouveaux formats, leur réception, surtout dans le cadre des nouvelles plateformes. Il nous faut, d'un certain point de vue, une nouvelle literacy. Le mot ne se traduit pas très bien en français. Je l'avais traduit quand j'avais fait travailler comme un savoir lire et un savoir écrire. Il nous faut imaginer quelque chose qui correspond à ces objets. Alors, pour décrire un petit peu certaines des choses qui vont venir, je dirais que on a en gros trois modèles actuellement qui dominent. Il y en a plusieurs d'autres, mais j'ai essayé de simplifier. Les plateformes qui existent en sciences humaines et sciences sociales. Les premiers sont les héritiers des moteurs de recherche. Et je vais donner une illustration assez rapide. Les seconds sont ceux qui exploitent les données structurées, ce qu'on appelle curated data, qui a été travaillé et qui donne des résultats différents des requêtes de moteurs de recherche. Et les troisièmes, qui cherchent à leur manière, il y a des manières assez différentes, je vais donner deux exemples très très différents, qui cherchent de reproduire ce qu'ils imaginent être l'environnement de travail des gens en sciences humaines dans le monde numérique. C'est-à-dire essayer de vraiment transplanter, si j'ose dire, la façon dont on travaille, on écrit, on échange avec les collègues, on va à la bibliothèque, on consulte, on cite et ainsi de suite, essayer de trouver une plateforme qui puisse reconstruire dans le numérique toute cette réalité. Alors le premier, qui est l'un des héritiers des moteurs de recherche, c'est philologique. J'ai choisi des choses qui sont plutôt du côté anglophone, mais pas toujours, pour donner comme ça. Philologique, c'est à l'Université de Chicago. Il a été au début lié au CNRS, parce qu'il était lié au projet ARTFE, vous vous rappelez, le grand corpus des textes de la langue française, mais ils ont dévié parce que, à cause des questions de droit. On n'est pas entré dans toutes ces questions ici. Alors, philologique a beaucoup d'avantages parce qu'il a bien avancé, si vous voulez. Il est relativement simple, il est léger, il est rapide. Il supporte effectivement pas mal de formats, de standards. Et surtout qu'il est maintenant, ce qui est relativement récent depuis un an, il est disponible le code en open source. C'est-à-dire qu'il est portable ailleurs, on peut le modifier si on a besoin de le faire. Ah, j'ai pris quelques captures d'écran pour juste vous donner une idée, mais il reste malgré tout un moteur de recherche. Et il n'a pas toujours l'interface qui correspond à ce qu'on attend, si vous voulez, en 2008-2009. Mais il est remarquablement assez puissant et il permet de faire des recherches de voisinage qui sont assez riches, assez complexes, et surtout qu'il a maintenant accès à une large série de bases de données diverses. Alors, vous avez une liste très, très importante de ce qu'ils peuvent consulter. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça, je vais passer à deux plateformes de philosophie qui, à mon avis, sont assez contradictoires pour l'instant, par contre, mais en tout cas en opposition, si j'ose dire, dans leur conception, mais qui peuvent être complémentaires. La première, c'est Logilogie. Il y a de Logos, Logoi, le petit texte. Et Logilogie, c'est littéralement conçu et construit comme un Facebook pour les philosophes. Il vient des pays scandinaves et il est entièrement pas seulement open source, mais en logiciel libre. Et toute l'idéologie, toute la construction du site dépend sur une fonctionnomie populaire. Il n'y a aucun privilège qui est donné aux philosophes professionnels, universitaires ou institutionnels. Loin de là, chacun peut créer un compte, intervenir, etc. D'habitude, il y a une limite sur la longueur des textes qui est donnée pour restreindre, et surtout parce qu'ils ont voulu construire un espace de conversation et de dialogue et non pas seulement de publication de textes. d'articles, d'analyses et ainsi de suite. Alors du coup, c'est tout à fait intéressant, et dans ce sens-là, Logilogie reprend quelque chose qui est, à mon avis, essentiel pour les réseaux sociaux, parce qu'il faut se rappeler quand même que les réseaux sociaux, malgré leur séduction parfois pour le monde des sciences humaines, sont des plateformes vides. C'est essentiellement quelque chose vide avec certaines contraintes et certaines règles, et elles sont remplies par l'interactivité, par les données des utilisateurs. Je suis de Flickr jusqu'à Facebook, c'est ça le principe. On avait appelé ça à l'époque, et elle était très géniale en trouvant la phrase, la culture de la générosité. C'est-à-dire, c'est le client et l'utilisateur qui fournit tout, et du coup, après, il y a effectivement, maintenant, il y a un énorme problème avec qui contrôle, qui est le propriétaire de ce qui a été donné, construit, comme photo, comme texte, et ainsi de suite. Mais en tout cas, pour revenir à Logilogie, alors Logilogie ne donne aucun texte. Vous pouvez faire un article sur un auteur, sur un problème, sur une question, et échanger, et surtout créer des mini-groupes pour échanger des analyses. Plus encore, ils ont adopté quelque chose qu'ils appellent une méritocratie absolue, c'est-à-dire au lieu d'avoir une anthologie savante qui gère un petit peu l'accès au matériel, tout est donné aux utilisateurs. Et dans ce sens-là, c'est un modèle, soi-disant, démocratique. Et vous pouvez regarder tranquillement. Il n'y a pas beaucoup de choses en français. Le site existe en français, si vous regardez en haut, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Ah. Maintenant, je vais passer à l'autre extrême, si vous voulez. C'est le Discovery Project, où on trouve Philosource. Philosource, c'est un projet qui a été financé par l'Union européenne à l'échelle, je crois, de 2 ou 3 millions d'euros et qui veut créer à une très grande échelle une plateforme pour les philosophes. Alors, Philosource se divise en plusieurs parties parce qu'il reprend toutes les contraintes institutionnelles. Tout d'abord, il est constitué par un corpus. Ça a une grande différence. On a Nietzsche Source, où vous avez l'édition critique de Collier Montinari de Nietzsche, à noter, elle est absolument remarquable, c'est un outil de travail formidable, mais néanmoins, on commence avec un texte, avec un auteur, ou avec une période. On peut avoir la philosophie prémoderne de Descartes jusqu'au siècle des Lumières. Mais l'essentiel, c'est que c'est construit pour les philosophes professionnels, mais aussi c'est conçu comme une plateforme de publication et d'édition savante qui reproduit tout ce qui est requis pour correspondre aux nécessités institutionnelles. Que ce soit le peer review, il y a un comité de lecture, il y a un comité de gestion scientifique, et ainsi de suite, ou pour l'évaluation des travaux des chercheurs. Du coup, on retrouve et si je vous donne la page de Nietzsche qui est disponible, vous avez toute l'œuvre en allemand avec l'édition critique et ainsi de suite. Mais alors, si on regarde les deux Logilogie et Philosource, on trouve quand même des différences tout à fait importantes qui habite un petit peu les difficultés rencontrées par les sciences humaines vis-à-vis de la culture numérique. Logilogie, je dirais, est quelque chose qui fait appel à l'amateur et au populaire, pour dire les choses comme ça. Il ne met aucun obstacle d'entrée de professionnalisation ou de spécialisation devant l'individu. Alors que Philosource déjà suppose qu'on soit formé, si j'ose dire, avant d'y accéder. Alors là, on a quand même un conflit culturel tout à fait important qui reproduit un petit peu ce que le numérique fait. Parce qu'on a souvent dit, ça a été évoqué précédemment, la fragilisation des intermédiaires, que ce soit la presse ou autre chose. Il y a aussi une fragilisation de l'institution, des institutions de savoir par les technologies numériques. Et si on voit deux voies différentes, presque opposées, alors il me semble qu'elles peuvent se réunir, effectivement. Mais néanmoins, pour l'instant, ce n'est pas. Mais la chose peut-être qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que Philosource, c'est basé sur une ontologie professionnelle, sémantique, professionnelle, alors que logilogie, c'est quelque chose qui est toujours en train de se faire, mais avec l'usage et qui peut, un petit peu, à la façon de Wikipédia, évoluer et aller dans des directions entièrement imprévisibles. Elle ne retient pas nécessairement le vocabulaire officiel associé aux textes philosophiques ou aux traditions philosophiques. Elle peut bien sûr les utiliser et les déployer, mais elle n'est pas du tout dans l'obligation de les maintenir et surtout de les continuer. Puisque on parle d'ontologie, je passe rapidement sur le web sémantique, je vous donne juste la page ici, mais surtout je voudrais parler de SKOS, parce que là on va entrer dans des... c'est le Simple Knowledge Organization System qui est en effet quelque chose, c'est la page de traduction française de l'introduction du standard, qui va permettre de négocier entre des ontologies différentes, entre des textes différents, surtout à travers les web, les services web. Et Philosource, dans ce cadre-là, est déjà bien positionné pour fonctionner dans le philospace, espace philosophique, avec d'autres. Si on s'imagine quelque chose en Allemagne, quelque chose en Italie, quelque chose en Grande-Bretagne, avec des ontologies différentes, avec des corpus différents, ils peuvent être mis ensemble à travers des technologies qui sont quand même assez disponibles. Maintenant, je vais passer aux secondes catégories, les données structurées. C'est tout récemment que ça a été lancé le printemps dernier, Wolfram Alpha. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé ou vous l'avez vu. C'est quelque chose d'assez fascinant qui est fabriqué par l'entreprise qui fait Mathematica. C'est un logiciel de mathématiques de très haut niveau utilisé par les scientifiques et qui date d'une vingtaine d'années, mais qui a aussi utilisé les mêmes techniques, les mêmes sources pour développer quelque chose comme un moteur de recherche, mais qui donne des résultats structurés. Alors, ça ne cherche pas tout sur le web comme Google qui prétend pouvoir, en principe, vous trouver tous les documents et vous donner. Ici, on est dans le cadre relativement restreint et limité de certaines données. Alors ici, il y a plusieurs choses à retenir. Tout d'abord, ça a l'air d'être un moteur de recherche, alors c'est vraiment autre chose. C'est quoi exactement? On n'est pas encore sûr, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On verra prochainement parce qu'ils viennent de signer un accord avec Bing pour donner leurs résultats à Microsoft pour essayer de commencer à rivaliser avec Google. Mais ça, on va y revenir. Mais j'ai utilisé par exemple Marseille comme exemple. Et vous allez voir, vous avez la carte, vous avez la population, les choses relativement de base quand on regarde. Mais ce qui est intéressant, il y a un petit lien en bas de la page et vous avez une petite bibliographie qui est déjà constitué sur n'importe quel sujet que vous avez recherché. Et en plus, si vous êtes chercheur, il y a un autre bouton où vous pouvez demander accès aux données que eux-mêmes ils avaient utilisées pour constituer la page que vous avez eue. C'est-à-dire là, il y a une bibliographie généraliste, mais aussi il y a des données qui sont accessibles aux chercheurs qui s'intéressent à tel ou tel domaine. Ici, effectivement, on est dans le monde soi-disant touristique, des informations simples. Mais si on cherche sur des questions scientifiques, on a de remarquables pages qui sont vraiment d'outils de travail de très haut niveau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre si on cherche Marseille, Paris, Rome, ou si on cherche la physique quantique. Là, on va avoir un truc de très très sérieux avec toutes les équations, avec toutes les écoles. Il y a un côté à la fois encyclopédique qui est impressionnant. Mais aussi, ce qui est intéressant ici, c'est l'usage, à mon avis, tout à fait simple, mais très efficace, de la visualisation. Ils ont réussi à construire une page dynamique qui est à la fois simple et élégante, et qui résume et met énormément d'informations dans relativement très peu d'espace. Ce qui me conduit, en tout cas en regardant toujours ce qu'ils sont en train de faire, qu'on est en train de vivre, en effet, une double évolution. D'une part, on a de plus en plus d'archives, on va dans les plus grandes échelles, mais en même temps, nos accès à ces archives est de plus en plus à travers des gadgets, des supports qui sont des miniatures. Et il y a un rapport tout à fait remarquable et intéressant entre l'accès à d'énormes sources d'informations et sa transmission, mais surtout sa présentation dans le plus petit. Pensez à votre téléphone, à votre iPhone ou à tous les petits supports. Et Wolfram Alpha a bien réussi cet équilibrage même dans une page de web. Ils ont aussi, c'est possible de les consulter sur le BlackBerry comme sur le iPhone, ça marche remarquablement bien. Ils ont bien conçu la chose. Alors Google, bien sûr, ne peut pas rester sans répliquer à cette affaire, et ils ont inventé, ça a été, je crois, une affaire d'un jour, mais qui n'est pas très réussie, Google Square. Alors ils ont dit, eux, ils ont pu vous donner des résultats structurés, très bien présenté. Ici, ils ont fait une table avec des petites images en miniature qui sont tirées de images.google.fr.com et avec des petits résumés de ce qu'ils considèrent le plus fiable de la requête. Mais on voit tout de suite qu'on est dans des univers très différents. C'est quelque chose qui appartient, je dirais, au monde de l'ingénieur, au lieu de l'interface qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus efficace. Mais Google, quand même, a autre chose à nous présenter. C'est le Google Wave. Moi, j'ai eu la chance d'être l'un des testeurs de les débuts, mais malheureusement, je ne peux pas vous montrer tout parce qu'ils sont très stricts avec, pour l'instant, de ce qu'on peut montrer, sauf leur propre image officielle. Je crois que le 30 septembre, ça sera ouvert. Alors, le Google Wave, ça peut changer un petit peu la donne de tout ce qu'on est en train de voir ou peut-être de vivre en numérique. Tout d'abord, il y a la métaphore de wave qui veut dire vague, onde, mais aussi une forme de salutation. Et c'est, si vous voulez, c'est quelque chose qui ressemble à... tout est en temps réel, tout d'abord. Tout est en temps réel. Et... Tout objet qui est disponible sur une wave est modifiable à tout moment, sauf si l'auteur, le premier auteur, contrôle l'accès ou la modification. Mais le principe, c'est que tout est à la fois objet de communication, mais aussi objet de modification. Et du coup, on peut imaginer, on est dans ce qu'on appelle le temps réel, le real-time web. Mais ici, d'une façon exponentielle. Ce n'est pas seulement comme des flux comme Twitter, mais on est dans des plateformes très, très puissantes. Avant d'entrer dans quelques détails sur Google Wave, il faut dire que Google a promis, on va voir s'ils vont le faire, qu'ils ne seront pas les seuls à contrôler le Wave. Tout d'abord, ils ont lâché en open source le code, mais surtout, et c'est la première fois à ma connaissance, ils ont accepté de ne pas contrôler les serveurs eux-mêmes. Ils ont accepté que d'autres fournisseurs, d'autres entités, qu'elles soient des universités ou d'autres entreprises, aussi puissent avoir des serveurs Wave. Ce qui quand même change énormément la perspective. Alors pour la Wave, je vais juste vous dire quelques mots. Vous avez une fenêtre qui ressemble un petit peu à votre navigateur. Vous avez à gauche la liste de vos contacts, mais qui sont présents, actifs. Et dans le centre, avec des fenêtres qui peuvent être détachées, vous avez les opérations ou les formes d'interaction avec ou bien les objets, ou bien les services, parce qu'il y a ce qu'ils appellent les robots. On peut construire des robots pour faire des travaux, pour collectionner de l'information, pour aller suivre quelque chose sur Twitter et revenir avec, et ainsi de suite. Et aussi, il y a les documents qui sont partagés avec différents contacts. Alors, c'est assez remarquable, par exemple, vous pouvez savoir à tout moment si l'autre contact vous donne le droit d'accès, ou même qu'est-ce qu'ils sont en train de taper sur leur propre ordinateur, quel caractère est en train d'être tapé, ou est-ce que c'est la flèche de leur souris, comment ils déplacent une image, où est-ce qu'ils ont mis un fichier, dans quel dossier, ainsi de suite. C'est vraiment, ça crée un flux dans ce sens-là, où on est co-présent avec les contacts. Alors on s'imagine ici, il y a quand même une transformation tout à fait dramatique, si j'ose dire, de la façon dont on travaille, mais aussi de la gestion de notre présence, si j'ose dire, dans l'environnement numérique. Le projet de Google Wave, et ça reste à voir si ça va réussir ou non, est d'essayer de dépasser ce qu'on a toujours appelé la killer app, killer application du net, le mail. Ils veulent essayer d'introduire ce paradigme pour éviter que les gens utilisent le mail la façon dont ils l'utilisent aujourd'hui. Alors si on envoie un message, on attend la réponse, ainsi de suite. C'est un modèle presque de chat généralisé, mais beaucoup, beaucoup plus puissant, avec un potentiel qui reste à la fois séduisant, mais intriguant, si vous voulez. Alors, on peut entrer, si vous voulez, après, dans les détails un peu plus techniques. Le API, il est assez intéressant. Il y a déjà des widgets qui existent, qui permettent de construire des interactions importantes. Mais si on imagine un environnement de cette sorte, pour les sciences humaines, ça peut être tout à fait fascinant. Parce qu'on part toujours de la collaboration, de l'interdisciplinarité. Mais ici, on est devant quelque chose qui actualise de façon étonnante, si j'ose dire, toutes ces idées. Je vais terminer avec une chose qu'on appelle la réalité augmentée. Et la réalité augmentée, c'est en effet quelque chose qui est lié en gros au mobile. iPhone, BlackBerry, etc. Il associe présence, données, services et géolocalisation. Alors, par exemple, je me promène à Marseille, j'ai mon petit iPhone, je suis en train de prendre une photo du port, il y a toute une série d'informations qui peuvent venir tout de suite, qui existent sur le réseau, sur le lieu où je me trouve, et qui seront transmises aussi avec mon tweet sur Twitter, et ainsi de suite. On peut imaginer tout un scénario pour la réalité augmentée. Je vous donne une idée, par exemple. Si on est archéologue, la réalité augmentée a des usages assez intéressants. Historien de l'art, et ainsi de suite. Avec des reconnaissances d'objets, avec la géolocalisation, et surtout avec accès à certaines données érudites savantes, pas selon ce qui existe sur les Foxonomy ou les Wikipédia, et ainsi de suite. Alors, il y en a plusieurs formats, plusieurs protocoles. Wikitude, c'est peut-être le plus intéressant actuellement, si ça vous intéresse de regarder. Ils sont en Autriche, si je me rappelle bien. Et ça fonctionne remarquablement bien, Wikitude. Bon, je vais juste revenir, pardon, comme ça, sur la réalité augmentée. La raison pour laquelle je crois la réalité augmentée est intéressante, surtout si on la prend en parallèle avec quelque chose comme le Google Wave pour les sciences humaines, c'est que la réalité augmentée met en action pour la première fois moi, ce que j'appelle un urbanisme virtuel. Et là, je pars de quelque chose de relativement simple, c'est que l'homme a toujours été un être spatial. On habite l'espace. Mais ici, on est en train d'habiter l'espace différemment, mais aussi on est en train d'habiter et d'investir un autre espace. Un espace qui est hybride, dans lequel nos avatars, nos bots, nos représentants, notre identité numérique interagit à la fois avec notre travail, comme aussi tout le reste. Et la réalité augmentée, c'est l'une des premières applications qui concrétise ces dimensions de l'urbanisme virtuel. Parce qu'à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant que Second Life, où on est dans des mondes relativement clos, malgré parfois leur richesse et leur densité. Ici, on est vraiment entre plusieurs registres, mais en même temps, mais dans un certain flux, dans le sens dont on parle dans ces technologies. Alors, on a plusieurs tendances qui se mettent en place. On a la première, qui est peut-être toujours pour l'instant la plus saine, si j'ose dire, c'est le transfert du modèle universitaire en plateforme, comme on la voit avec PhiloSource, mais elle est très difficile. Elle exige une collaboration institutionnelle qui reste difficile à gérer. Il y a aussi les modèles inspirés des réseaux sociaux, Logilogy, mais il y en a énormément, l'usage des blogs, et ainsi de suite. Et il y a aussi les extensions des moteurs de recherche. Alors, je voudrais juste dire un mot, parce qu'on a discuté comme ça en privé. Il y a eu une discussion tout à fait fascinante la semaine dernière, après la présentation du projet de Google Books à Berkeley, et certaines objections sur l'usage, ou surtout les erreurs dans les métadonnées dans un Google Books. Et puis l'ingénieur responsable de la gestion des métadonnées à Google Books a écrit une réponse qui était tout à fait intéressante. Parce que les moteurs de recherche sont en train de s'étendre au-delà de la recherche classique. Et là, on trouve quand même, ils sont en train d'incorporer l'héritage institutionnel. Parce qu'il suffit de rappeler que les métadonnées dont ils parlent ne sont pas seulement les métadonnées numériques, mais aussi les métadonnées héritées des catalogues des bibliothèques avec leur système de classification. Alors, ils vont adopter le BISAC, ils vont adopter le système de la BNF, le système de la librairie du Congrès, comme le système d'OUI. Et après, ils vont essayer de converger toutes ces données, tous ces systèmes de classification, mais dans le processus de les introduire, effectivement, à la fois, ils vont cumuler les erreurs qui existaient déjà dans les catalogues et introduire de nouveaux erreurs. Et le problème avec ces erreurs, c'est effectivement, il y en a plusieurs, il suffit de dire trois choses, et ça, l'ingénieur de Gaulle a été remarquable, il a dit quelque chose de très bien, c'est-à-dire que Google Books, ce n'est pas une bibliothèque. Et je crois là, il avait absolument raison, et c'est la première fois qu'ils disent ça, parce que d'habitude, ils nous vendent leur projet comme la bibliothèque universelle, globale, utopique, ainsi de suite. Alors là, il a dit, ce n'est pas une bibliothèque, et surtout, ce n'est pas aussi une librairie. C'est vraiment ni l'une ni l'autre. Pour eux, ça reste toujours dans le modèle, dans le paradigme de moteur de recherche. Mais deuxième chose, avec l'échelle dans laquelle Google travaille, tout est archivé, mais aussi, si on a de mauvaises métadonnées, certaines choses peuvent être facilement oubliées. Très, très facilement. Elles ne ressortent jamais parce qu'elles deviennent introuvables, tout simplement. Alors, l'archive risque de devenir un lieu d'oubli comme aussi un lieu d'accès. Et à mon avis, c'est quelque chose qui donne à beaucoup, beaucoup à réfléchir. Il y a une seule chose que je n'ai pas mentionnée, mais je ne veux pas parler trop longtemps, c'est l'incorporation d'une version relativement restreinte de l'intelligence artificielle dans les plateformes. Ici, il y a un site que je vous conseille de regarder qui s'appelle Hunch, H-U-N-C-H, et qui est fabriqué, qui a été lancé par l'ancienne fondatrice de Flickr. Et Hunch est un site tout à fait intéressant. Vous allez au site, une fois que vous êtes inscrit, il vous demande de répondre à des questions qui ont l'air d'être absolument absurdes. Est-ce que vous aimez vous promener à 5 heures l'après-midi, ainsi de suite. Et au fur et à mesure de vos réponses, après, vous allez poser une question. Vous dites, quel livre dois-je lire pour la rentrée littéraire? Il va vous donner une réponse en fonction de la construction de l'identité qu'il s'est fait de vous, de la représentation qu'il s'est fait de vous, à travers ce travail de l'intelligence artificielle. Au début, ça donne des résultats qu'on peut s'imaginer assez pervers, assez surréels. Mais en même temps, au fur et à mesure, parce qu'il est mélangé avec le réseau social qui est assez dense déjà, ça donne des résultats tout à fait intéressants. Et là, on voit un certain usage intelligent, si j'ose dire, de l'aide à la décision avec tous ces algorithmes, mais dans le sociable, dans la sociabilité numérique. Alors effectivement, un modèle de ce genre peut facilement, si j'ose dire, être traduit en sciences humaines. Pour faire des recherches, pour poursuivre certaines thèses, ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui vient de se lancer il y a 9 ou 10 mois et qui est assez promettant à mon avis, parce qu'il promet de ça peut être intéressant si on le prend et on l'applique dans un milieu, disons, de spécialistes, je ne sais pas, du 17e siècle, par exemple. Qu'est-ce que ça peut donner comme... Il y a une autre particularité, et ça, si vous regardez, ça, c'est intéressant, il faut toujours poser une question. On ne peut pas juste faire une, assertion, il faut toujours poser une question. Et là, si on se rappelle les écrits de Benveniste sur la forme de l'interrogation, on trouve tout à fait des choses remarquables. Mais je vous laisse avec là. Et deux, trois mots avant de conclure. Il y a le web sémantique dans les structurés, ça, quelque chose qui est débattu depuis longtemps, depuis maintenant pas mal de temps. Qu'est-ce que ça va donner comme, comme web? On ne sait pas. Le web services a été annoncé déjà plusieurs fois, mais elle commence à être réalisée d'une façon tout à fait beaucoup plus intéressante. Il y a les usages de la visualisation, on n'a pas eu le temps de regarder, et là, moi, je crois que ça va devenir tout à fait essentiel, l'usage de l'image et de la visualisation. Il y a des travaux qui sont très, très intéressants. Les travaux les plus classiques sont ceux de Tafti sur l'usage de la visualisation en numérique, mais je crois qu'il faut aussi regarder ailleurs. Tafti, c'était UFTE, c'était un spécialiste des sciences politiques aux États-Unis qui avait commencé sa carrière en étudiant les sondages avant les élections présidentielles et surtout leur représentation visuelle. Puis après, il s'est transformé en grand spécialiste. Il a fait un remarquable article, puisqu'on l'utilise, contre PowerPoint, en disant que sa façon de visualiser tue l'esprit, si j'ose dire. Mais il y a des choses tout à fait intéressantes. Mais aussi avec la visualisation, moi je prends vraiment au sérieux, si vous voulez, tous les usages des avatars. Et surtout que si on avance avec la convergence entre le réseau et le mobile et, soi-disant, une forme de réalité augmentée, les avatars vont devenir de plus en plus intéressants. Alors si on revient vers l'étymologie du mot, c'est tout à fait fascinant parce que ça vient de l'Inde ancienne, qui veut dire quelque chose comme incarnation. Mais aussi, quand on réfléchit aux usages de l'image dans le monde numérique, on est tenté de revenir aussi à l'économie de l'image classique, si j'ose dire. On va retrouver toutes les fonctions du portrait, de l'emblème, et ainsi de suite, dans nos plateformes et dans nos cadres numériques. Et finalement, effectivement, il y a cette réalité augmentée. Si vous avez un iPhone, il existe déjà plusieurs applications. La plus intéressante, si vous avez la dernière version de l'iPhone et vous êtes à Paris dans le métro, vous pouvez l'utiliser. C'est que Metro Plus, je crois, le nom de l'application. Je vais juste terminer avec une citation de Breton, parce que j'ai commencé avec lui. Le titre, c'est « Introduction au discours sur le peu de réalité, sans fil, voici une locution qui a pris place trop récemment dans notre vocabulaire. Une locution dont la fortune a été trop rapide. » Puis après, il dit « Télégraphie sans fil, téléphonie sans fil, imagination sans fil », a-t-il dit. « L'induction est facile, mais selon moi, elle est permise. » Voilà, ça nous donne peut-être à penser un petit peu sur notre futur numérique. Je vous remercie. Merci. Il nous reste une dizaine de minutes pour s'il y a des questions à poser à notre conférencier. Est-ce qu'il y a des interrogations ou des prolongements qui voudraient être faits, des connexions avec les débats de la journée ou les préoccupations que les personnes qui sont venues, qui ne sont pas des membres de l'université, mais qui viennent de Marseille ou des environs? Oui. Quand vous parliez de Wolfram Alpha, oui. Qu'est-ce qui est derrière ça? Qu'est-ce qui finance ça? C'est lui-même. C'est un type qui a fait fortune à cause de Mathematica. Et il a fait beaucoup de livres comme une théorie du monde mathématique et il a financé ça tout lui-même. D'accord, c'est une grande fortune en fait. Absolument. Absolument. Mais moi, je n'ai pas rentré dans ça. C'est tout à fait important. C'est-à-dire, on est toujours en train de vivre avec des technologies qui sont produites en gros par des sociétés privées et qui passent à des usages publics qui dépassent tout et d'où parfois la pression institutionnelle de comment agir et y agir avec tout ça. Alpha, c'est Wolfram, c'est pareil. C'est un mathématicien qui a fait fortune en fabriquant Mathematica. Et du coup, il a le privilège de pouvoir faire ça. D'autres questions? Oui. Dans votre exposé, en fait, dans les différentes transformations que J'ai choisi de, pour dire, d'insister sur le positif, mais oui. Il y a énormément de choses à mon avis. La première chose, par exemple, moi quand j'ai commencé à regarder Wave, je me suis dit toujours, c'est le temps du travail change énormément. On est vraiment sous des pressions, mais aussi le temps de la réflexion. Je ne veux pas revenir vers des choses, comment dire, réactionnaires, mais il y a quelque chose comme une contrainte de présence qui modifie. Mais au-delà de là, je crois, il y a énormément de choses parce que les disciplines classiques ont énormément de vertus. Il ne faut pas toujours dire que il faut les changer. Elles doivent changer de façon, comment dire, intelligente pour ne pas perdre leur histoire. Mais il y a énormément de risques, à mon avis, et surtout, on va perdre surtout les marges dans les disciplines. Et ça se voit assez facilement. J'ai commencé avec les choses institutions. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Il y a eu une proposition en Angleterre de créer un équivalent du DOI, Digital Object Identifier, pour les chercheurs. En disant, puisqu'on va avoir les évaluations toutes les 4 années, ce sera plus simple que pour Miladoli, il a un certain tout. Mais bien sûr, ils étaient très intelligents, ils ont décidé aussi d'associer cet identifiant à une spécialisation. Et on ne pouvait pas avoir qu'une seule spécialisation. Si on faisait n'importe quoi au-delà de cette spécialisation, la réputation, la citabilité scientifique, l'évaluation disparaissait. Il y a des dangers énormes qui viennent avec toutes ces technologie. Et je crois la raison pour laquelle moi je parle d'humanisme numérique, parce qu'il faut absolument l'assumer et non pas être, comment dire, touché par une envie d'être scientifique ou trop scientifique. Parce que moi je trouve que les scientifiques ont toujours envie d'être un petit peu comme les religieux. Ils veulent toujours nous expliquer ce qui arrive au début, à l'origine, au commencement. Et nous, on n'est pas obligé d'être comme eux dans leur quantification, évaluation. Et ces évaluations touchent surtout tous les aspects de notre travail. Il faut absolument résister à ça, d'où moi je parle d'humanisme au lieu de digital, comme ça, c'est dans ce sens-là. Je n'ai pas bien répondu dans les détails parce que ça a un rapport avec les objets, à mon avis. Nos objets de travail seront modifiés dans énormément de nos disciplines et ça va changer nos valeurs en gros. Je me posais la question par rapport à ce que vous avez expliqué sur les moteurs de recherche qui permettent de donner des données structurées. Oui. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas très bien compris. Mais je me demandais quelle était la logique de la structuration de ces données, dans la mesure qu'il n'y a pas une logique absolue, une logique naturelle, donc c'est une logique culturelle. Je me posais la question de savoir si on pouvait imaginer une logique culturelle qui soit européenne ou américaine. Et puis après, une structuration de données qui soit complètement différente, à la limite, à travers un moteur de recherche qui soit chinois ou indien, etc. Enfin, je me demandais si vous étiez un peu interrogé à ça. Je me suis interrogé il y a longtemps. Peut-être que ça n'a pas de pertinence. Non, je crois que ça a pertinence, mais moi, j'ai une réponse, si vous voulez, simple à ça. C'est-à-dire, si on revient à l'histoire, c'est puisque les puces ont été inventées aux États-Unis et les langues de programmation pour essayer de communiquer avec les puces, avec les compilateurs, passe par quelque chose qui ressemble à l'anglais, il y a une certaine domination d'un modèle qui est anglais. Au jour où ça change, on peut avoir de grandes variations culturelles. Pour l'instant, moi, je ne vois pas ça. Il peut y avoir des petites variations sur la surface, mais en profondeur, même quand on veut programmer, on est obligé de prendre quelque chose qui ressemble à l'anglais. Mais là, il y a des contraintes technologiques. Et du coup, c'est simple, mais c'est comme ça. Alors, bien sûr, on peut imaginer, je crois que les Chinois ont fait l'esprit, parce que moi, j'ai travaillé pendant longtemps sur ça, sur les versions Linux. Ils avaient un projet d'avoir Asian Linux, AsianX. C'est de créer une version, puis après, les Chinois ont fait Red Linux, le rouge. Ils ont tout abandonné, parce qu'ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas vraiment le faire de leur façon, parce que la base, c'était toujours la même. Et ils ne pouvaient pas la réinventer. Et on est, il y a une contrainte matérielle qui est là. Est-ce que vous appelez l'humanisme numérique, c'est une façon de trouver un moyen terme entre la technophobie et la technolatrie. Oui, mais aussi c'est un moyen de, d'utiliser les outils et de réfléchir sur cet usage. Si vous voulez, pour moi, je prends le dictum de Vico, les méthodes doivent prendre leur thèse de leurs objets. Et je crois que nos objets sont en train d'être modifiés, de changer à cause de ce qu'on utilise, et font qu'on réfléchisse à nouveau en partie à ça. C'est vraiment simple. Et c'est surtout pour... Il y a un autre côté polémique, ça on peut rentrer, c'est-à-dire moi je ne suis pas tout à fait convaincu par énormément de discours qui sont devenus très importants maintenant, hein, du post-humanisme, cyber-humanisme, transhumanisme, et qui parlent de la convergence et de la singularité entre la machine et l'homme, et du coup ça va changer à la fois notre éthique et notre façon d'être et tout ça. Moi je deviens dans ce sens-là relativement conservateur, c'est peut-être l'âge, mais quand même, en gros, je crois qu'il faut réfléchir à l'usage et aux objets, c'est dans ce sens-là, mais non pas résister à la technologie, ni l'adorer comme si elle va tout résoudre. Parce que comme vous savez, une fois qu'on commence à éditer dans le numérique, c'est aussi compliqué, et parfois plus compliqué que de faire dans l'imprimé. Et on a tous vécu ça, je crois. Il y a des promesses qui sont, comme dit, pas... Sandal, la beauté, c'est la promesse de bonheur. C'était un petit peu ça avec l'édition numérique pendant longtemps. Je vous propose que ce soit le mot de la fin, le terme de la conclusion de cette première journée. Je vous remercie encore. Merci. Et... Merci.